Alors, de retour à Futur Simple, bienvenue dans la revue de l'actualité scientifique. Alors, j'ai à mes côtés François Grégoire, qui a parcouru pour nous la sphère médiatique pour nous rapporter les faits saillants de la semaine. Alors, François, nous allons parler de deux sujets assez différents les uns des autres. Premièrement, l'équipe de l'expérience internationale Opéra, en Italie, a mesuré la vitesse des neutrinos avec une précision suffisante pour que cette équipe-là puisse affirmer qu'elle est légèrement supérieure à celle de la lumière. Donc, un résultat qui est pour le moins inattendu, qui, s'il se confirme, aura l'effet d'une bombe en physique fondamentale. Oui, Christiane, car la vitesse de la lumière est réputée infranchissable dans le cadre de la théorie classique de la relativité restreinte. C'est ce qu'on apprenait à l'école, c'est ce que j'ai appris à l'école. Effectivement, d'Albert Einstein, qui, en fait, je pense que c'est inutile de le rappeler, est l'un des piliers de la physique. Oui, alors François, si on commençait par un bref rappel des faits. Oui, tout à fait. Alors, dans le laboratoire souterrain de Gran Sasso en Italie, une équipe de chercheurs étudie depuis plusieurs années un faisceau de neutrinos produit par l'accélérateur SPS du CERN qui est en Suisse. Alors, le faisceau est engendré par l'impact de protons accélérés sur une cible de graphite. Les collisions créent donc des particules instables, soit des maisons qui se désintègrent en muons. Bon, ça ne concerne pas vraiment. Et principalement un neutrino. Alors, à ce moment-là, les neutrinos ainsi engendrés traversent la croûte terrestre en ligne droite jusqu'au détecteur. Or, en mesurant précisément la distance que le faisceau doit parcourir et le temps écoulé entre la production des neutrinos et leur détection, les physiciens ont obtenu un résultat très étonnant. Les neutrinos effectuent leur trajet en 60 milliardièmes de seconde de moins que ne le ferait la lumière pour la même distance dans le vide, soit de 730 km en 2,4 millisecondes. Autrement dit, sur une course de 730 km entre un neutrino et un photon, le neutrino gagnerait la course avec 20 mètres d'avance environ. Ce résultat, il a l'air assez incroyable, ahurissant. Il va à l'encontre de tout ce qu'on a appris de la physique expérimentale et de la physique théorique depuis plus d'un siècle, finalement. Oui, en effet. Parce que la lumière était réputée à être la vitesse infranchissable. Oui, c'est la vitesse ultime, effectivement. D'accord. C'était une constante. En fait, peu importe même la vitesse de celui qui l'observait. Alors, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui est née en 1905, fait apparaître la vitesse de la lumière dans le vide comme une constante absolue et, en fait, indépassable, comme tu le disais, Christiane. Mm-hmm. Et depuis 1905, cette théorie a été confirmée dans différents aspects d'innombrables expériences. En fait, elle fait partie intégrante de tout l'édifice théorique de la physique fondamentale. Il est donc impossible de la, je dirais, contester, entre guillemets, à la légère, ou s'en proposer une alternative capable de rendre compte d'un siècle de résultats expérimentaux. Oui, faut être sûr de ces résultats hein, pour contester, effectivement. Oui, oui, oui. Alors, l'équipe des chercheurs de l'expérience internationale Opéra, menée par Diego Altiero, physicien, en fait, du Centre national de recherche scientifique à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, a donc été prudent avant de rendre publics ces résultats sur le serveur en fait de prépublication Arxiv. Leurs données ont été recueillies pendant les trois dernières années, ce qui représente plus de 16 000 neutrinos détectés et observés. Les physiciens ont fait et refait leurs calculs. Ils ont mesuré par géodésie la distance parcourue par le faisceau de neutrinos à 20 cm près, quand même, c'est quand même beaucoup sur une distance de 730 km. Oui, c'est quand même bien. Et ils ont déterminé la durée du parcours à moins de 15 milliardièmes de seconde près. 15 milliardièmes, c'est pas beaucoup, hein, quand non, même. Effectivement, c'est vraiment pas dur beaucoup. Dur à imaginer pour un cerveau comme ça. Ouais, pour nous autres, c'est pas possible. Non, c'est ça. Mais malgré ça, rien n'y fait. L'écart entre la vitesse des neutrinos et celle de la lumière est d'environ 6 km par seconde en faveur des neutrinos. Mais 6 km par seconde sur environ 300 000 km seconde, ça reste pas beaucoup. C'est vrai. Ce n'est pas beaucoup, mais si peu soit-il, ça contrevient avec la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Alors maintenant, il reste à la communauté de la physique des hautes énergies d'essayer de confirmer ou encore d'infirmer ce résultat par d'autres analyses ou d'autres expériences et pour les théoriciens, d'essayer de voir comment une vitesse supérieure à celle de la lumière pourrait être intégrée à une théorie cohérente. Parce que, pour l'instant, en fait, ce sont l'étonnement et la perplexité qui domine. Ben, je comprends, là, ça détruirait, ça remettrait en question les fondements la physique, et de très, très nombreuses études qui ont été faites. Exactement. Et de très nombreux calculs et de, bon, voilà. Donc, Alors, finalement, on va rester à l'affût, en fait, pour savoir si d'autres recherches pourront confirmer ou infirmer ces résultats et pour savoir qui gagnera le marathon de la physique fondamentale, c'est-à-dire le photon ou le neutrino. Donc, c'est vraiment une course à deux là, qui se dessine. Alors, merci beaucoup, François. C'était très intéressant. Nous allons faire une courte pause publicitaire et nous revenons ensuite pour la deuxième nouvelle sur la résistance des antibiotiques. Alors, de retour à Futur Simple, votre magazine de culture scientifique sur les ondes de CKRL 89.1. Alors, nous allons continuer notre revue de l'actualité avec François Grégoire et nous allons quitter la physique fondamentale et les recherches très savantes et difficiles parfois à saisir, oui, je pense. Comprendre, oui. Nous allons maintenant parler de la résistance aux antibiotiques qui daterait d'avant l'utilisation clinique des antibiotiques modernes. Donc, c'est vraiment une recherche très intéressante. C'est du moins ce que vient de démontrer une étude franco-canadienne qui a été récemment publiée par la revue Nature. Donc, ça fait très longtemps qu'il y aurait une résistance aux antibiotiques. Effectivement. Après des années de recherche sur l'ADN ancien que renferme le pergélisol des territoires du Yukon, daté d'environ 30 000 ans, des chercheurs du Centre d'ADN ancien de l'Université McMaster en Ontario et du Service de systématique moléculaire du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, c'est impressionnant. Hein? Alors oui, ils ont développé des méthodes permettant d'isoler des gènes particuliers de paléobactéries. Mais tout d'abord, les chercheurs ont mis au point une série de tests visant à authentifier l'origine des ADN anciens retrouvés dans des carottes de sol gelé en utilisant les techniques les plus pointues dans le domaine de la biologie moléculaire. Ensuite, d'autres méthodes ont été développées pour extraire des petites séquences d'ADN d'anciens organismes variés comme les plantes, des vertébrés et des bactéries. Donc, ils ont pris une carotte, là, ils l'ont sortie du sol, puis ils ont essayé de chercher des traces d'ADN, puis qu'est-ce que c'était? Exactement, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ce sol, dans le sol ancien-là, gelé? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'a dévoilé ces analyses, là? Qu'est-ce que ça a donné, finalement? Alors, ces pergélisols ont révélé une grande diversité biologique parmi ces ADN anciens. Alors, on y a retrouvé des séquences de mammouths. Mammouths, oui, wow! De mammouths, alors ça monte quand même d'assez loin. C'est, ouais. De chevaux, de bisons, ainsi que de plantes qui n'ont été trouvées dans cet endroit que dans la dernière période glaciaire du Pléistocène, c'est-à-dire de 130 000 années à 11 000 années avant Jésus-Christ. Et de manière inattendue, les chercheurs ont découvert des gènes bactériens de résistance aux antibiotiques parmi ces échantillons d'ADN anciens. C'est fascinant parce qu'il n'y avait pas vraiment d'antibiotiques, j'imagine, disponibles à cette époque. Probablement. Pas naturels, mais... Peut-être, mais... Pas synthétisé par l'homme. Non, ça c'est certain. Hein? Alors, les chercheurs se sont concentrés plus particulièrement sur une séquence du gène de la résistance à la vancomycine, un antibiotique très puissant, généralement utilisé en dernier recours, en fait, dans le domaine clinique. Or, la présence d'homologues de ce gène, c'est-à-dire de gènes très proches, a été identifiée dans les différents extraits d'ADN issus des mêmes carottes de pergélisol. Il a été ainsi démontré que ces gènes appartenaient à des bactéries contemporaines des mammouths et non à des bactéries modernes dont ils sont génétiquement proches. Alors, l'équipe a ensuite recréé en laboratoire les protéines codées par le gène et ont démontré qu'elles avaient une activité et une structure similaire à celles existantes aujourd'hui. Donc, ils ont réussi à recréer en laboratoire la protéine. Est codante, effectivement. C'est impressionnant la science aujourd'hui, oui, quand même. Tout à fait. Ça m'impressionne à chaque fois que j'entends des histoires comme ça. Alors, c'est seulement la deuxième fois qu'une protéine dérivée d'une séquence d'ADN, en fait, ancien, est synthétisée en laboratoire. Bon, voilà, donc c'est surprenant. C'est la deuxième fois quand même. Ça arrive, effectivement. Alors, cette découverte apporte un nouvel éclairage sur la compréhension de la résistance aux antibiotiques en démontrant l'ancienneté et le potentiel adaptatif de ces gènes. L'objectif des chercheurs est désormais de poursuivre leurs travaux dans le pergélisol, mais remontant cette fois-ci à plus d'un million d'années. Et à un million d'années, il y aurait encore des traces d'ADN qui pourraient être potables scientifiquement parlant. J'imagine que oui, ça se conserve. Ouais. Oui, c'est vrai que dans le pergélisol, hein, c'est gelé, ça fond pas. C'est perpétuellement gelé, donc... C'est très intéressant. Alors, merci beaucoup, François, pour ces deux nouvelles. Nous allons faire une courte pause musicale et au retour, c'est à mon tour de faire une chronique. Je vais vous parler de l'origine des oiseaux. Alors, à tout de suite.